Bonsoir chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans l'Asile le plus sûr, émission écoutable en direct sur l'antenne du 94 MHz Canal B le lundi. Émission également rediffusée le dimanche soir à partir de 23h et également entièrement podcastable, écoutable avec les playlists et tout sur son site asile35.blogspot.fr ou encore sur le mixcloud/renman. On attaque l'émission de cette semaine qui sera principalement consacrée à de l'actualité discographique avec même des disques qui devraient sortir dans quelques jours comme celui avec lequel on démarre. Il s'agit du tout nouvel opus du combo Polymorph Post-Residence de Colombie, les Meridian Bravers, mené par le petit prodige, le multi-instrumentiste Ablis Alvarez, qui mélange tropicalisme, cumbia et salsa psychédélique à la sauce dada, façon Seigneur Coconut et autres Félix Kubin. Alors certains d'entre vous ont dû croiser les Meridian Bravers au Parc Expo lors des dernières transmusicales. Alors si vous êtes sur Paris dans quelques jours, ils rejouent en concert gratuit en plein air. Ce sera le 7 juin au Parc de la Villette dans le cadre de l'excellent festival Villette Sonic. Mais pour l'heure, on démarre avec leur quatrième album sorti sur le label britannique d'Afrofunk Soundway. On écoute le titre des Meridian Bravers d'Emi Caballo, Como su carne. Thank you. y muevo mi carreta, afilo mi espada serena y monto a mi sirena. Viles mariposas ardientes vuelan ya se enfila, pero se escapan volando mientras me asesinan. Thank you. À l'instant, dans les îles le plus sûr, on a démarré avec une séquence un tantinet ensoleillé, vu le froid qui fait dehors et le fond de l'air qui vire au brun. Voilà, on a démarré avec les Meridian Bravers, donc le combo originaire de Colombie de Monsieur Ablis Alvarez, qui sont de retour en ce début du mois de juin avec un tout nouvel opus sous le nom de Salvadora Robot, sorti sur le label Soundway, qui avait sorti leur précédent album il y a de ça 2-3 ans. Qui sera en concert, comme je vous le disais, au festival Villette Sonic en plein air. Ce sera le 7 juin pour la sortie de cet album. Et c'était enchaîné avec le trio de post-rock et de musique électronique originaire de Berlin. Comme son nom ne l'indique pas, tout Rococo Roth, le fameux nom en forme de palindrome de cette formation créée au milieu des années 90 par les frères Schneider, Robert et Stéphane, ex-membres de Kreidler, d'ailleurs en compagnie du batteur Ronald Lipok, qui lui officie sous le nom de Tarwater. Ça le faisait à peu près 4 ans qu'il n'avait rien sorti depuis leur disque était sorti chez Domino sous le titre Spéculation. Alors ce nouvel album s'intitule Instrument et il comprend un invité assez prestigieux avec lequel on ouvrait l'émission de la semaine dernière, monsieur Arto Lindsay, qui vient de sortir un double album d'anthologie de ses frasques discographiques sous le label Northern Spy et qui donc pousse la chansonnette sur 3 morceaux de ce disque Instruments de Touro Cocorotte. Alors l'album n'est pas encore finalisé et sorti, ça sortira en juillet prochain sur le label berlinois City Slang. C'est déjà précommandable sur le site du label et on retrouve sur ce disque Instruments leur mélange de basse, guitare, électronique avec un traitement du son toujours aussi ciselé. Voilà, on va continuer avec cette fois-ci la musique d'un Britannique assez étonnant. Il s'agit de monsieur Alexander Tucker. Alexander Tucker qu'on a rencontré à pas mal d'occurrences, notamment au sein du duo qu'il forme en compagnie de Daniel O'Sullivan de Guapo sous le nom de Gumbling Fur. Il a aussi collaboré pas mal aux côtés de Stéphane O'Malley ainsi que d'autres membres de Sono et il pratique une sorte de folk médiéval à base de guitare mandoline détimbrée mélangée avec sa voix et différents drones électroniques. C'est un musicien du Kent et qui sort aussi des disques sous son nom et ça depuis quelques années, notamment sur le label Thrill Jockey qui réédite ces jours-ci son tout premier disque qui était sorti, je crois que c'était sorti, si je ne m'abuse, ce disque éponyme de Alexander Tucker en 2005 en édition très très limitée. Et donc Thrill Jockey édite cela en vinyle avec 20 minutes de bonus, pas moins. Et Alexander Tucker nous avait fait aussi la joie de se produire à Rennes pour les Trans Musicales en 2011. Donc peut-être que vous y étiez et que vous allez reconnaître la musique de ce Britannique. On écoute le titre The Black Bear avec la voix de monsieur Tucker qui fait aussi pas mal de compositions exclusivement instrumentales. Speak in tongues. A small clearing opened up to a makeshift camp. So I'll curl up next to the black bear and lay inside her clothes until I'm dry. Her clothes until I'm dry. So my mother told me she could speak in tongues. A small clearing opened up to makeshift camp. So I'll curl up next to the black bear and lay inside her clothes until I'm dry. Her clothes until I'm thank you. cheveux blancs comme au vagabond à barbe des yeux. Peut-être d'arc-en-ciel a avancé. Uriner sur la terre, fais-la respirer du verre. Fais mon cœur chanter. Triplette de titres qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Tout d'abord, Alexander Tucker dans un registre très folk pastoral. Il a une tendance aussi à faire des choses un peu plus metal drone, un peu plus, avec un peu plus de texture hybride, ce britannique. Et donc cet extrait de cet album que j'ai pas mal réécouté, son premier disque sorti en 2005 à l'époque, plus ou moins en autoproduction, qui vient tout juste de revoir le jour grâce aux bons soins du label de Chicago Thrill Jockey. Et c'est vrai que c'est plutôt une réussite, ce premier disque de Alexander Tucker sous son nom, accompagné par 20 minutes de je ne sais trop quelle tambouille dronesque assez épicée. Et c'était enchaîné avec le projet His Tracts et l'album Shortwave Nights, sorti sur le label Constellation, qui est le premier opus d'un nouveau duo qui réunit le guitariste canadien de Godspeed You Black Emperor avec et aussi de Set Fire to Flames en compagnie du bassiste électrique de Growing, l'américain Kevin Doria. Voilà, donc tous les deux ils se sont fendus d'un projet totalement là pour le coup texture abrasive, électroacoustique, dronesque et un tantinet ambiante. Pas étonnant puisqu'ils ont commencé à se côtoyer dans des performances pour le cinéma expérimental. En tout cas, un disque plutôt réussi, un projet assez prometteur, ce His Tracks et l'album Shortwave Nights, qui était enchaîné avec le troisième morceau qui est extrait de ce version d'un ouvrage traduit qui est un album de monsieur MacLeod, Zeek MacLeod alias le Ton Mité, qui est un américain qui vit en Europe. On l'avait connu pas mal pour ses participations au sein du collectif des Potagers Nature, quelqu'un d'assez comment dire excentrique, tout autant plasticien que mime que musicien. Et donc ce projet solo Le Ton Mité, avec lequel il produit des choses depuis quelques années, comme ce disque qui était précédemment sorti sur une version 33 tours et qui vient d'être réédité par l'excellent label italien Music musique à la coque qu'on a connu principalement ce label pour des rééditions du projet de Pierre Bastien New Creative Methods ou encore d'un vieux projet post-punk assez énervé Tank of Danzig. Voilà, donc on va continuer avec tout autre chose et la musique tout aussi excentrique pourtant des Britanniques de Officer et l'album Dead Unique sorti en double vinyle par le label également anglo-saxon Blackest Ever Black. Il s'agit d'un opus de pièces inédites et jamais publiées officiellement de ce combo à géométrie variable qui était mené par le londonien Mick Ops à partir de la fin des années 70, début des années 80, un peu dans le sillage de la scène post-Canterbury Rock in Opposition. On y croisait pas mal de musiciens de cette scène, notamment les gens de Enrico Hardbears, également de Zizit, Family Fodder et autres The Work. Ce projet Officer avait sorti pas grand chose à l'époque, pour tout vous dire, un vinyle sur le label légendaire de Reims Aya Records en 84 qui vient tout juste de voir le jour. C'était l'album Ossification qui vient tout juste d'être réédité par le label Megaphone. Je vous ai d'ailleurs passé un extrait de cet opus sorti donc en 84, sinon pas mal de cassettes. Et donc c'est un des projets les plus underground et les plus insolites de la pop de traverse, un peu dans l'héritage de Syd Barrett, Kevin Ayers, Kevin Coyne et ce matinée de sonorités de musique progressive et de chambre à la Hardbears. Donc pour ce disque sous le titre Dead Unique, avec comme toujours une très très belle iconographie, pardon, des pièces échouées qui datent elles de 1995. Et on y retrouvait le songwriter Mick Ops aux côtés de Tim Hodgkinson à la clarinette basse, de Jade Fair des Half Japanese. Il y avait aussi le légendaire violoneux des Pink Dots, Patrick Cook au violon, donc, et un excellent saxophoniste sous le nom de John Dirker. Donc il s'agit de 2 33 tours ou une version CD accompagnée par un sampleur des œuvres de Monsieur Mick Ops, notamment ses différents projets The Low Yo-Yo, The Lowest Note on the Organ et autres The Work, ainsi que Half Japanese, le groupe auquel il a contribué et qui est certainement celui qui est le plus connu de tous ses projets. On écoute 2 extraits consécutifs de cette excellente, non pas réédition mais première édition de pièces de Officer avec un point d'exclamation s'il vous plaît. Donc 2 extraits de ce disque Dead Unique. Yeah.

Vous êtes toujours sur antenne du 94 MHz à l'écoute de l'Asile le plus sûr ou alors sur le blog de l'Asile avec une séquence assez longue, 4 titres enchaînés, pas moins. Tout d'abord, 2 titres de cet excellent opus Dead Unique du regretté projet Officer de Monsieur Mick Hobbs, des pièces qui dataient d'il y a une vingtaine d'années, qui n'avaient jamais vu le jour, qui sont sortis par les bons soins du label Blackest Ever Black, qui nous a pas tellement habitués à ce genre de production un peu post-Rock in Opposition, ce label londonien qui pratique plutôt les musiques électroniques post-industrielles assez dures, mais il s'était déjà fendu d'une très belle réédition du grand classique Flaming Tunes de Gareth Williams et Mary Curry il y a de ça 2 ans, donc il récidive dans cette famille musicale de l'après Canterbury, et on a enchaîné l'excellent disque de Officer Dead Unique avec un autre album qui l'est tout autant. Il s'agit de la rencontre entre le duo Walls, à savoir Sam Willis et Alessio Natalizia, et la musique de Daphne Oram, la regrettée Daphne Oram, pionnière des musiques électroniques en Angleterre au sein du BBC Radiophonic Workshop et créatrice de Loramix Synthesizer, une sorte de proto-générateur de son à base de signaux visuels. Le duo qui avait déjà sorti plusieurs disques précédemment sur le label Compact a plongé donc dans les archives de cette membre du BBC Radiophonic Workshop, donc des sons assez proto-électroniques des années fin des années 50 et années 60-70. Ils y ont rajouté du synthé modulaire, une boîte à rythme un peu vintage et des pédales pour retraiter les oscillations de Daphne Oram, qui est pas mal à l'honneur depuis quelques années, depuis qu'on a redécouvert ses pièces il y a de ça une bonne dizaine d'années. Il y a pas mal de gens qui rejouent sa musique ou qui la réutilisent dans des créations originales. Et donc cet album qui s'intitule Sound Houses, qui vient tout juste de sortir sur le label Ecstatic, a d'ailleurs aussi été remasterisé par Pete Kember alias Sonic Boom, qui lui-même avait collaboré avec une autre membre du BBC Radiophonic Workshop, Delia Derbyshire, pour son projet expérimental Audio Research. Voilà, je propose dès à présent un petit jeu concours. On ne fait pas assez de jeux concours dans l'Asile le plus sûr. Je vous rappelle le numéro des studios de Canal B, puisqu'il y aura des choses à gagner. Vous pouvez appeler au 02 99 52 77 66, 02 99 52 77 66, et je propose aux deux premiers. Voilà, on va faire ça. Alors, les deux premiers qui appellent le standard de Canal B pourront gagner un disque 33 tours du projet Rennais Pur et Dur. Pur et Dur, qui est un projet qui mélange vidéo et boucle de saxophone et d'électrophone mélangés. On y retrouve les deux membres historiques, à savoir monsieur Daniel Pabeuf, ex-Marquis de Sade, également saxophoniste au sein des Sax Pustules, Ange Doutoucoul et autres Trunks, en compagnie de Pierre Fablet, qui lui est guitariste notamment dans James Chance and the Contortions depuis quelques temps. Et donc tous les deux, ils officient au sein de Pur et Dur. Je crois que c'est à peu près une dizaine d'années, ce projet. Et on y retrouve depuis quelques temps de la vidéo par monsieur Thierry Salvert qui rajoute un peu à la musique électro répétitive un peu vintage de ces deux Lascar, une musique hypnotique qui n'est pas si éloignée d'ailleurs des trémolos de Pierre Bastien. Voilà donc Pur et Dur qui sera en concert cette semaine à Rennes au 1988 Life Club. Alors pour les plus vieux rennais, il s'agit de l'ex-Pimps et ce sera donc ce vendredi prochain 30 mai à partir de 21h. Je vois que ça s'excite déjà sur le téléphone de Canal B, le 02 99 52 77 66. Le temps de lancer la séquence et donc je propose de gagner aller à la fois un 33 tours et aussi une place concert pour cette soirée de Pur et Dur en compagnie d'ailleurs d'un autre formation qui s'appelle Pâle, donc ce vendredi 30 mai. Voilà, bonne écoute à l'écoute de Pur et Dur. À l'instant, dans les îles les plus sûres, on a démarré tout d'abord avec les séquences d'hypnose de l'album Dans les jardins du temple, le premier LP de Pur et Dur, le duo rennais entre le saxophoniste Daniel Pabeuf et l'électro-sonicien, tiens, on va dire ça comme ça, l'électro, je ne sais pas trop comment l'appeler, Pierre Fablet, donc, qui pratique des électrophones 100% vinyle loop sans sampler intégré comme c'est mis dans ce 33 tours que vous pouvez vous procurer d'ailleurs dans la fameuse épicerie de la rue Poulain du Parc Blind Spot. L'album est disponible sur place et donc les deux exemplaires que j'avais à vous faire gagner ont été gagnés donc par des auditeurs qui nous ont appelés, et par contre je vous propose de remettre en jeu deux places supplémentaires pour le concert qu'ils donneront Pur et Dur en compagnie de PAL, donc pour une performance qui mélangera vidéos de monsieur Thierry Salvert et la musique de Pur et Dur au 1988 Live Club ce vendredi 30 mai à partir de 21h. Vous pouvez rappeler le standard au 02 99 52 77 66. Juste après la musique de Pur et Dur, on a entendu une séquence assez punitive du duo loup entre Clément Edouard, saxophoniste et aussi électronicien, et monsieur Cheikh Anorak, guitariste de son état, qui vient de sortir d'ailleurs un très très beau disque sur son propre label Gaffer Records. Lou qui avait déjà sorti deux albums à ce jour, un album éponyme et un album sous le titre The Opening, qui vient tout juste de se fendre d'un EP sous le titre Moderne Hérétique sur toujours Gaffer, le label de Cheikh Anorak. Alors c'est assez à l'image de la musique que produisent ces deux-là, notamment Clément Edouard par exemple au sein du combo Irène. Voilà, on va continuer avec une séquence toujours dans les mélanges saxophones et autre chose avec monsieur Jean-Marc Foussa, qui est quelqu'un qui est assez connu dans le domaine des musiques de traverse pour ses qualités de preneur de son pour des concerts de musique improvisée depuis une bonne quarantaine d'années, et qui officie au synthétiseur analogique en général au VCS3. Mais là je vous propose de l'écouter dans un projet où il joue du synthi AKS au sein du projet Quad en compagnie de son acolyte le saxophoniste Sylvain Guérineau et du vétéran du free Joe McPhee. L'album donc est sorti sur son propre label sur lequel il produit depuis quelques années, le label Fou Records. Je vous avais déjà proposé d'ailleurs, je crois, son album solo à Jean-Marc Foussa qui répondait au nom de l'oiseau. Et donc là je vous propose d'écouter le disque Quad avec une séquence assez longue donc de mélange entre électronique et saxophone ténor pour monsieur Guérineau et soprane pour Joe McPhee. Alors je ne sais plus trop la répartition entre l'enceinte de gauche et la voix de droite. Voilà, en tout cas je vous rappelle que vous pouvez rappeler le standard de Canal B pour remporter une place pour le concert de Pur et Dur ce vendredi 30 mai en appelant 02 99 52 77 66. On écoute Quad. Thank you. Une séquence qui fleurait bon les années 70. Tout d'abord, Jean-Marc Foussa au synthé analogique Synthi AKS, un synthé assez symptomatique de ces années 70, et en compagnie de Sylvain Guérino au sax ténor et Joey McPhee au soprano. C'était le projet Quad, avec un CD sorti sur le propre label de Jean-Marc Foussa, qui s'appelle Fou Records. Il y a un site free pour aller commander les productions, qui sont distribuées d'ailleurs par Metamkin. Il sort aussi de temps à autre des galettes vinyles, et c'était enchaîné avec l'excellent disque de mademoiselle Annette Peacock, qu'on n'entend pas assez souvent sur l'antenne de Canal B, en compagnie de Paul Blay et le synthétiseur Shaw, l'album Revenge, The Bigger The Love, The Greater, The Hate, qui était sorti en 1971 sur Polydor. C'était à l'époque où Monsieur Paul Blay avait troqué son piano pour un Proto Moog que lui avait customisé lui-même le fameux Robert, pour des shows assez qui devaient être assez fantabulesques, en compagnie donc de sa compagne de l'époque, l'excellente chanteuse claviériste Annette Peacock, qui vient tout juste de rééditer ce disque sur son propre label. Ça s'intitule maintenant I Belong to a World That's Destroying Itself. Elle a rebaptisé d'un des titres de morceaux de cet album Revenge. C'était son propre disque, ses propres compositions, et son premier album solo, même s'il n'était pas sorti comme cela en tant que tel. Annette Peacock, qui a sorti pas mal de choses fort sympathiques dans les années suivantes, 70 jusqu'aux années 80, et puis qui s'est faite beaucoup beaucoup plus discrète, à part si je ne m'abuse, un disque qui était sorti chez ESCM il y a de ça quelques années. On se rappelle surtout de ses fameux albums X-Dreams, I Am The One et autres, Sky Skating. Et donc depuis quelques années, elle réédite ses albums sur son propre label Ironic Records. Donc si vous vous intéressez à la musique du jazz mélangé aux sons électroniques primitifs, la musique de Annette Peacock est fort recommandable. Voilà, je voulais vous faire quelques annonces concerts avant de vous quitter, et principalement le concert de ce 28 mai, donc c'est mercredi soir, juste avant le pont de l'Ascension, avec une soirée organisée par l'association YUPSA à la Maison de la Grève, donc c'est rue Le Graveran, en face du bar Le Delta. YUPSA qui remet le couvert à la Maison de la Grève avec deux musiciens d'exception, notamment monsieur CJ Boyd, déjà entendu à quelques reprises, notamment au Café La Bascule, qui sera en compagnie de Improductive pour un solo contrebasse chant. Vous avez plus d'informations sur le site de YUPSA, qui est un wordpress.com, ou encore sur celui de Maison de la Grève.boom.org. Et je voulais aussi vous rappeler le concert donc de Pur et Dur EPAL avec deux A au 1984 Live Club, ce vendredi 30 mai à partir de 21h. Et donc cet album que vous pouvez vous procurer dans les jardins du temple. On se quitte avec pas moins de deux morceaux enchaînés pour s'acheminer vers le décollage à la verticale. Tout d'abord, monsieur David Moss, vocaliste et ancien percussionniste dans des projets Free et Rockin' Opposition, souvent aux côtés de Fred Friss, qui revient depuis quelques années avec son projet Dance Land. Dance Land, qui est un trio en compagnie de Hanno Lechtmann, qui fait de la bidouillerie électronique et des percussions traficotées, et Johannes Strauss, Trouble, qui lui joue à la basse modifiée. Donc là, cette fois-ci, ils sont uniquement en duo, Johannes Trouble et David Moss, pour le disque At the Beach, Music for Voice and Electric Bass. C'est sorti sur Monotype et c'est une musique qui conviendra fort agréablement à une fin d'émission, et ce sera enchaîné avec un autre disque assez magnifique, celui du violoncelliste américain qui pratique une musique assez chatoyante, monsieur Aaron Martin, et son nouvel opus Chapel Floor. Toutes ces sélections et les playlists sont entièrement visionnables sur le site asile35.blogspot.fr, émission que vous pouvez télécharger pour l'écouter dans votre salle de bain, ou encore sur le site, sur le Mixcloud de l'émission /Redman, pour une écoute en streaming uniquement. Voilà, je vous souhaite une très très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. On se quitte donc avec David Moss, Hannes Strobel, suivi par Aaron Martin. Très très bonne nuit, à la semaine prochaine. Skin of your finger, where the world goes. don't think there's really a difference between those things, but each one of them, when they stand in front of you like that, you can choose going backwards or forwards, you can go backwards or forwards, you can make your decision about the flow and time, direction. I just think you walk. If you walk between them one by one, waving way behind them, touch them, slide your hand along the absolute outer edge of the skin and the flesh, the kind of marking area which cuts them off one from another. Which seems to be so far away. It's just right around the corner. Which is what I wanted to say in the first place. So I'll just run around the corner. Turn right, turn left. One thing after another falls into place. Because the gravity center is actually what you've been talking about. We're no farther than the same size. The assumption changes the absolute dimensions of historical.